caché dans un monde qui n'est pas mien. Un fantôme qui hante mes nuits en silence. Elle le tient par la main comme une chaîne d'acier. Moi je suis l'ombre derrière la lumière. Les éclats de leur rire me transpercent le cœur. Je suis condamnée à ce désir solitaire. Étouffée.